the whole week. We are talking about how to observe the reality of our life. So keep on coming. The most important factor is mindfulness. Yesterday, I already mentioned the mindfulness. I think you may clear about to cultivate the mindfulness. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2016. C'est le sixième jour de notre retraite. Depuis une semaine, nous avons parlé des phénomènes physiques et mentaux qui constituent la vie et de la façon dont il faut s'y prendre pour les observer tels qu'ils sont réellement. Le facteur le plus important pour y arriver, c'est l'attention. Je pense que les caractéristiques de l'attention sont devenues très claires pour chacun d'entre vous. Je vais essayer de vous expliquer les caractéristiques de la confiance. C'est un facteur très important. Donc, avant de parler de Sadda, la confiance ou foi, je voudrais vous parler des cinq facteurs qu'il faudra développer pour que la pratique baisse. Il y a donc cinq facteurs qui ont été mentionnés dans les Écritures par le Bouddha. Et Bhavana, la pratique de la méditation, le développement mental, pourra se développer progressivement si ces cinq facteurs sont introduits en soi. Il y aura cinq facteurs qui devront être introduits en nous si nous voulons progresser dans notre méditation. Le premier de ces facteurs se dit en pali Tirakala. Tirakala Bhavana, c'est donc le développement de la méditation en pratiquant le plus longtemps possible. La période pendant laquelle on va pratiquer devrait être idéalement la plus longue possible. Si nous pratiquons pendant une longue période, nous allons faire beaucoup d'expériences. Plus la période pendant laquelle nous allons pratiquer est longue, plus nous allons expérimenter de choses. Notre compréhension de la réalité va ainsi se développer et en conséquence, la sagesse deviendra très forte. Ici, nous sommes occupés à pratiquer et l'intention, c'est de le faire pendant 2 semaines. Ce n'est pas énorme. Nous pourrons donc, pendant cette période de temps relativement courte, apprendre la technique. Nous allons apprendre la méthode pour vivre la vie de tous les jours de façon paisible et harmonieuse. Nous allons développer les qualités mentales qui vont nous permettre d'y arriver. Parfois, certaines personnes pourraient penser qu'il faut être fou pour pratiquer de cette façon. Mais en réalité, c'est juste l'inverse. La pratique de Vipassana n'est pas du tout quelque chose qui va nous amener la folie. C'est quelque chose qui, au contraire, va nous permettre de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une pratique qui est tout à fait sûre et sans danger. Ne vous inquiétez pas. Elle va vous permettre de développer les facteurs grâce auxquels vous pourrez vivre de façon paisible et harmonieuse dans le monde. Vos contacts avec vous-même et avec l'extérieur vont devenir harmonieux également. Vous serez capable de patience et de tolérance. Plus la période pendant laquelle vous allez pratiquer est longue, plus vous allez pouvoir développer ces qualités. C'est donc le premier facteur. Le deuxième facteur est appelé en pali Nirandhara. Il y a 2 mots dans cette expression, nira qui veut dire sans, andara qui veut dire espace, interruption. La méditation doit être donc continue, sans interruption. S'il y a trop d'interruptions d'attention au cours de la pratique, la concentration ne va pas bien se construire. Nous développons ici un type de concentration appelé la concentration momentanée. À chaque instant, de moment en moment, nous sommes attentifs aux différents objets qui se manifestent. C'est donc une concentration qui se manifeste de moment en moment. Elle change d'objet constamment. Cette concentration momentanée doit être renforcée. C'est un petit peu comme si on voulait faire une corde très solide. Cette corde est faite de grandes quantités de fils. Plus il y a de fils, plus la corde sera solide. Chaque jour, nous devrons donc faire l'effort de développer notre pratique. Nous devons la maintenir chaude. Nous devons la chauffer tous les jours. Il ne faut pas laisser ce feu s'éteindre, sans quoi la pratique se détériorerait. Plus on s'entraîne, plus on fournit d'efforts, plus la pratique va se développer. C'est exactement la même chose pour le sportif qui devra également s'entraîner tous les jours s'il veut progresser. S'il ne s'entraîne pas tous les jours, son rythme va s'affaiblir. Ici, nous sommes en retraite intensive. Nous essayons de développer une forte attention et une forte concentration. Pour y arriver, nous pratiquons non-stop pendant toute la journée. Nous maintenons le feu en dessous de la casserole. Cette eau doit réussir à bouillir. Pour y arriver, il faudra maintenir le feu en dessous de la casserole. Nous aussi, nous devons maintenir notre pratique très active. Nous ne devons pas relâcher notre effort si nous voulons que la sagesse se manifeste. L'effort, l'attention et la concentration devront donc être développés de cette façon. Si on arrête de faire l'effort, automatiquement, l'attention et la concentration vont baisser. Mais ce n'est pas la même chose pour les connaissances, pour la sagesse que nous avons réussi à développer. Une fois que nous aurons compris expérimentalement certaines choses, cette compréhension, cette sagesse ne nous quittera plus. Elle reste avec nous. Nous n'oublierons jamais l'expérience. C'est un type de compréhension qui ne peut pas être effacée. Ce n'est pas la même chose que la compréhension que l'on acquiert par la lecture ou par l'analyse logique. Ce type de compréhension-là se perd très facilement. La sagesse qui vient de l'expérience, au contraire, se perd très difficilement. Mais il faudra cependant la maintenir vivante en soi. Il faudra répéter les expériences de façon à ce que cette sagesse s'incruste plus profondément en nous. Ici, nous sommes en retraite intensive et nous pratiquons donc en posture assise, puis en marche, puis de nouveau en posture assise et pendant toute la journée. Ceci va nous permettre d'observer à des niveaux de plus en plus subtils et de plus en plus détaillés. Notre pratique sera ainsi maintenue pendant toute la journée, pendant une longue période de temps. Notre attention et notre concentration également seront maintenues pendant une longue période de temps et sans interruption. La troisième qualité de la pratique se dit en pali Nirwasesa, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas abandonner la pratique. Il faudra poursuivre son effort jusqu'au moment où on aura atteint le but. C'est comme si on voulait gravir une montagne. Il ne faudra pas s'arrêter en cours de route. Il faudra continuer à monter jusqu'à ce qu'on ait atteint le sommet. En méditation, c'est la même chose. Si on veut atteindre le sommet, si on veut atteindre le but ici, c'est le premier stade d'éveil. Si on veut donc atteindre le but, il faudra poursuivre la pratique malgré les difficultés. En général, la compréhension que nous avons des choses et de nous-mêmes est basée sur les concepts. Ceci est dû au fait que nous ne voyons pas notre corps et notre esprit tels qu'ils sont réellement. On va donc pratiquer la méditation vipassana pour comprendre en quoi tout cela consiste réellement. Nous recevons les instructions du Bouddha, mais le Bouddha n'est pas un sauveur, c'est simplement un professeur qui nous offre la méthode qui va nous permettre de comprendre. Mais c'est à nous de faire l'effort. Dans le bouddhisme, il n'est jamais question de demander quelque chose à une divinité ou à un être supérieur. Les méditants dépendent uniquement d'eux-mêmes. Ils vont poser des actes et tout cela s'appelle le karma. Il y a les actes qui ont été posés dans le passé, on ne peut plus rien y faire, c'est le karma passé. Le karma est de trois sortes. Il est physique, il est verbal et il est mental. Ce sont donc les trois sortes de karma. Nous allons donc poser des actes au niveau du corps, au niveau de l'esprit et au niveau de la parole. Et comme nous sommes des méditants, nous allons essayer de contrôler ces actes physiques, vocaux et mentaux. Nous n'allons poser que des actes positifs qui vont amener de bons résultats. Ce karma positif devient la cause pour des résultats positifs. Pour ce qui est du karma passé, nous ne pouvons que l'accepter, il a déjà été créé. Pour le karma à venir, nous devons donc le faire de façon contrôlée. Et nous devrons faire cela jusqu'au moment où nous aurons atteint notre but. Lorsque nous aurons atteint le but, toutes les kilesas, c'est-à-dire les impuretés mentales, les pollutions mentales, comme le désir, la colère, la haine, l'envie, la jalousie, etc., toutes ces kilesas auront été éradiquées de l'esprit. Nous pourrons alors vivre en paix, nous ne souffrirons plus dans l'esprit, nous laisserons la souffrance dans le corps uniquement, nous ne l'emmènerons pas dans l'esprit. Il y a beaucoup de souffrances dues à l'esprit. De nos jours, on peut constater qu'il y a beaucoup de suicides. Pourquoi ces suicides ont-ils lieu? Tout simplement à cause de l'esprit. Le corps n'a rien à voir avec cela. On ne comprend pas bien les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. On ne les comprend pas selon la réalité. On ne comprend pas non plus les états d'esprit, les formations mentales. Par la pratique de Vipassana, nous allons petit à petit comprendre ces choses telles qu'elles sont réellement. Nous allons comprendre les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Nous allons ainsi réussir à contrôler notre esprit et notre vie va s'en ressentir. La qualité de notre vie va s'améliorer. Il faudra donc poursuivre notre effort, continuer à pratiquer ainsi jusqu'à ce que nous ayons atteint le but. C'est la signification de cette troisième qualité, Nirowa Sesa Bhavana. La quatrième qualité, c'est Sakaccha Bhavana, ce qui veut dire une pratique respectueuse. Il faudra respecter sa pratique. Il faut comprendre que le travail que nous faisons ici est un travail noble. Nous essayons de contrôler notre esprit, de le dompter. Pour y arriver, il faudra se comporter de façon lente et composée, avec beaucoup d'attention et de soin. Il ne faut pas pratiquer de façon superficielle, sans quoi nous ne réussirons pas à développer notre pratique. Il faudra donc respecter notre propre pratique, mais également celle des autres. Il faudra également respecter le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Mais c'est sa propre pratique qu'il faut respecter avant tout. C'est très important. Si nous voulons obtenir des bénéfices, il faudra travailler de façon respectueuse. Plus nous recherchons des bénéfices élevés, plus nous devrons faire preuve de respect. Lorsque nous aurons réussi à obtenir les bénéfices de cette pratique, nous pourrons les mettre en application dans notre vie de tous les jours qui va devenir très harmonieuse. Donc la cinquième qualité, c'est Abhirati. Abhirati Bhavana, c'est donc une méditation qui se passe dans la joie. Nous devons apprécier la méditation, nous devons aimer la méditation. Comment cela serait-il possible, direz-vous, quand on a tant de douleurs? Vous devez savoir que si vous êtes installé sur le juste chemin, votre concentration va se développer et un jour ou l'autre, vous introduirez en vous cette qualité. Vous deviendrez heureux de méditer. La méditation sera devenue pour vous quelque chose de très agréable. Plus on fait d'efforts, plus la paix s'installe en soi. Plus la paix s'installe en soi, plus on se sent heureux. Pour comprendre les choses en profondeur correctement, il faut obligatoirement qu'on se sente heureux, qu'on ait atteint ce stade. Au début, il faudra lutter avec beaucoup d'efforts. Et tout ceci sera difficile, mais il faut que le méditant persévère. S'il a beaucoup de difficultés au début de la pratique, c'est parce qu'il n'a pas encore réussi à synchroniser l'objet avec sa prise de conscience, son esprit. C'est un petit peu comme si vous vouliez apprendre à conduire une voiture. Au début, vous n'allez pas chercher à vous retrouver dans le trafic. Vous essayez d'y aller progressivement. Petit à petit, vous allez vaincre les difficultés et vous deviendrez capable de conduire correctement. Il faudra donc que nous fassions un effort au cours de notre pratique. Nous devrons également travailler avec confiance. Et lorsque nous aurons réussi à développer notre pratique, nous pourrons synchroniser l'objet avec l'attention et la concentration va se développer. Ce qui empêche tout ceci de se produire, ce sont les kilesas, les pollutions mentales. Elles nous empêchent de progresser parce qu'elles font toujours irruption dans l'esprit. L'esprit est toujours agité au début de la pratique. Il faudra donc persévérer. Un esprit qui note sans interruption est libre des kilesas. Il est totalement pur. Il n'y a pas de pollution dans un tel esprit. Notre seul devoir, c'est donc de noter de façon continue tout ce qui se manifeste à chaque instant. À chaque moment d'attention, notre esprit est totalement pur. Si nous sommes attentifs pendant 10 minutes, pendant 30 minutes, notre esprit est pur pendant 10 minutes, pendant 30 minutes. Nous expérimentons alors le calme et la paix. Nous devons donc persévérer dans la pratique. Malgré les difficultés, nous devons réussir à évacuer cette agitation de l'esprit. Dès qu'elle aura été surmontée, nous aurons en même temps surmonté la sensation douloureuse. Il est normal d'avoir des sensations douloureuses lorsqu'on médite. On ne parle pas ici des sensations douloureuses dues à des maladies du passé. On parle des sensations douloureuses qui se manifestent pendant la méditation parce qu'on ne bouge pas. Nous devrons donc observer attentivement ces sensations douloureuses dans le but de comprendre la nature du corps. Depuis des temps immémoriaux, dès qu'il y a de l'inconfort dans le corps, on change de posture. Et ceci se passe sans arrêt, tout au long de la journée et même la nuit quand on se tourne et se retourne dans son lit. Nous devons donc comprendre que depuis des temps immémoriaux, ce corps nous oblige à beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour le dorloter. Mais en méditation, on ne s'inquiète pas trop s'il y a de l'inconfort dans le corps. On apprend à l'accepter et à l'observer attentivement. On essaye de voir en quoi consistent ces sensations douloureuses selon la réalité. Bien sûr, si la sensation devient trop intense et difficile à supporter, le méditant va bouger un petit peu. Mais s'il bouge trop souvent, chaque fois qu'il a une sensation douloureuse, on pourrait penser qu'il a surmonté la sensation douloureuse, mais il l'a surmontée par le changement de posture. Ceci est très facile. Mais lorsqu'on pratique Vipassana, on essaie de surmonter la sensation douloureuse par la compréhension de sa véritable nature. Comprendre la nature de la sensation douloureuse, c'est comprendre qu'elle change constamment. Dès que nous aurons compris que la sensation douloureuse est anicca, impermanente, nous deviendrons petit à petit capables de la surmonter sans changer de posture. On pourra dire alors qu'on aura surmonté la sensation douloureuse par la compréhension de sa véritable nature. Nous devrons donc développer une forte attention, fournir un gros effort et réussir à renforcer notre concentration. Lorsque ces facteurs seront devenus puissants, aucune impureté ne pourra pénétrer dans l'esprit. L'esprit sera heureux, en paix et ne sera pas dérangé par ces impuretés. la joie va alors se manifester. Les yogis qui sont habitués à pratiquer expérimentent souvent que s'ils ne méditent pas, ne fût-ce qu'un seul jour, il y a quelque chose qui leur manque. Ils sont tristes parce qu'ils ont raté leur heure de méditation. Ils ressentent cette heure de méditation comme une occasion de recharger leur batterie. Essayez donc de méditer de cette façon et d'arriver au stade où vous ne serez plus sous l'emprise des sensations douloureuses. Vous devez comprendre que la souffrance est également impermanente, anicca. Lorsque vous avez des sensations douloureuses, essayez de les observer attentivement. N'y pensez pas, n'y réfléchissez pas. Ne vous dites pas qu'elle sera là pendant toute la séance, voire pendant toute la journée, car ceci voudrait dire que vous avez une espèce d'attachement pour cette sensation douloureuse. Vous la recréez par la pensée, vous la remettez en place. Essayez donc de rester toujours dans l'instant présent, sans penser, sans réfléchir, sans courir le risque de la fossiliser, de la fixer en vous. Vous pourrez ainsi vous libérer de la souffrance. C'est tout cela la signification de Abhirati, méditer avec joie. Nous devons donc comprendre comment nous devons nous y prendre pour introduire ces cinq qualités en nous. C'est pour cette raison que toutes ces explications ont été données. Il faut essayer de les introduire en soi. Il faudra pour y arriver avoir confiance. Before saying to get some confidence also very important. So about the confidence where we will explain tomorrow. So the time is also may you all be able to continue to complete. This is the five kinds of bhavana and until reach to the our final goal. Sadhu, sadhu, sadhu.